ensemble aujourd'hui afin de découvrir le groupe qui se prénomme La Tria. Existant depuis 1997, La Tria est composée de 2 MC et de 1 DJ. Ensemble acharnés pour un seul même objectif, nous allons écouter tout de suite un extrait d'une introduction de leur premier album, On se disait. Ah oui, Z, comme tu dirais ici, c'est danger. Miss, mon nom est mal fait, je traite Sirim Pro Hyper avec un grand G. E-double-R-E, sorti tout droit du compartiment bloqué. C'est juste au cas où, où il devrait y avoir des jaloux. Simple, efficace, one two. Je suis le même enfoiré et je suis pas prêt de changer ma couille. Et je tire un coup, mes douilles se dispersent. Les ricalements sur l'instru, mon talent j'ai loin de l'avoir perdu. Voici ma richesse, L-A-T-R-I-A, alias Ghetto Style. C'est dédié à tous ceux qui se reconnaissent dans nos freestyle. En bataille comme sur scène, t'as vu, on transcrit la vie qu'on mène. Rien à foutre, c'est ce qui fait que le truc tue. Imagine la foutre, c'est ça le thème. Y'a pas de doute, on vient de la rue, mec. Dans nos têtes, toujours aussi barge. La rage dans la gorge, certes, il a fallu que ça pète. Sans avoir eu besoin d'aide de personne. Voici notre premier album, et il y en aura d'autres, encore et encore. Ici d'honneur, on est tous ici du même port. Repenti, l'honnêteté, c'est ce qu'il y a de vrai. Remarque, ici on fait les choses bien. Et pas à moitié frangin. Je débarque ici de mon blaze à la pointe de mon sabre. DJ Achab, Macbeth, LGP. Ouais, ça je connais pas venu pour plaisanter. Staffman, Staffman, Staffman, Staffman. NJP avec un siècle confirmé, je me bois évoluer. NJP, une fois de plus, MC je m'introduis en introduction et tant de choses à dire à travers divers thèmes. Hargne, rage, guerrier qui nous sommes. Malfaite, NJP, DJ Achab pour la Tria. Arby sorti tout droit du macadam. Représente le stéréotype, celui que tu n'aimes pas, celui qui nique tout dans le tas, celui qui te remet dans tous ses états. Je suis ce que je suis et nul a le droit de dire. Je viens de là, on transcrit tout ce qu'on vit. Envoie une pour mes potes et tous ceux qui nous soutiennent. On le fait avec passion car on l'aime. Et chaque jour qui passe, on prend de l'ampleur. MC, NJP pour la Tria, 2003-2004, on avance et tout ça. J'achète, stop, pour le quartier.